À l'occasion de la journée de la lutte contre les impérialistes américains, 25 juin, les attachés militaires en Corée ont visité le 23 le musée de Sinsan.